suffisamment donné. C'est sûr, au début tout était rose. J'avais enfin de quoi me payer un resto par mois. C'était pas énorme, mais bon, ça faisait 2 ans et demi que je bouffais des pâtes et de la soupe midi et soir. Comme premier resto, j'avais choisi le plus luxueux de la ville. Celui où pour 200 balles, on vous donne des rations de nains anorexiques, sous prétexte que c'est raffiné. Mais peu importe, je pouvais enfin me le payer. J'ai même invité tous mes potes. Ceux-là même qui m'invitaient à chaque fois qu'ils sortaient. Au bout d'un moment, j'avais tellement honte que je m'inventais n'importe quelle excuse pour ne plus avoir à supporter leur pitié, à subir leur regard de chien battu. J'avais enfin ma vengeance personnelle. Est-ce ma faute si aujourd'hui ils ne supportent pas ma réussite fulgurante? Je les emmerde, ces connards. Ils disent que j'ai changé, je ne vois pas où est le mal. Eux n'ont pas changé, c'est sûr. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai plus envie. C'est un tout. J'en ai marre de vendre des produits à des bofs qui n'en ont pas besoin. Mais c'est pas du remords. C'est juste que j'en ai marre de voir leur gueule de consommateur. Ces clients gros et moches qui achètent des aspirateurs pour leurs grosses bobonnes ou ces faux intellectuels qui achètent des encyclopédies pour garnir leur bibliothèque. Entre les livres de cuisine et de décoration d'intérieur de madame et les SAS et Haute France Football de monsieur. Marre de faire de la route où je ne croise que des ploucs qui pensent tous conduire mieux que moi. Marre de n'avoir que, comme seul réconfort, les corps souillés des putes que je me tape lors de mes déplacements. Je suis fatigué. Fatigué d'avoir à être aimable avec mes voisins de palier, tous plus cons les uns que les autres. Tous à mendier un petit mot de votre part pour se donner bonne conscience et qui font pisser leur clébard sur votre paillasson. J'ai plus envie de voir mes collègues. Toujours à balancer sur le voisin qui gagne plus, sur celui qui a couché avec machin, sur celui qui a volé les tickets restaurant de trucs. Et comment comprendre celui qui se révolte à l'idée qu'un arabe puisse intégrer l'entreprise? J'ai pourtant fait l'effort de vouloir être sociable, d'accepter un pot, une invitation au bowling ou un week-end à la mer, pour finalement me rendre compte que je ne fais ça que par politesse. Inutile, puisqu'elle ne m'est qu'infiniment rendue. Pourquoi faut-il s'intégrer parmi ces gens méprisants et méprisables? Pour entrer dans un moule, mais lequel? Celui des gens qui disent que les autres sont des confinés ou celui des autres qui pensent que ce sont les gens qui sont des abrutis? Ouais, puis merde. Je les exécre tous à un point que j'allais finir par tous me les faire à coups de grenade dans l'entreprise. Et j'aurais terminé avec la secrétaire de direction, une belle allumeuse celle-là, qui vous fixe d'un regard de chat en chaleur tellement difficile à tenir qu'on a plutôt tendance à plonger les yeux dans son décolleté à ma tessinie bar. Non moins démonstratif, mais eux au moins, ils font rarement preuve de dédain. Parce qu'une fois que cette petite pute a eu ce qu'elle voulait, il n'y a plus que ces seins qui vous regardent. Une bien belle salope en fin de compte. Je pourrais en rajouter sur les femmes. Ils sont où leurs beaux discours sur l'importance de la famille, des enfants, de l'amour inconditionnel? Elles vous disent que vous êtes l'homme de leur vie et puis elles vous trompent avec le premier con qui passe sous prétexte des « tu ne me regardais plus » et autres « on ne fait plus rien ensemble ». Et qu'est-ce qu'elles veulent? Qu'elles aillent en enfer. On se retrouvera là-bas, j'ouvre le chemin sans passer par la case jugement dernier. Je m'en fous. J'ai jamais cru au paradis de toute façon. Cette sorte de père merveilleux où tout bon prêcheur a sa place. Vous pouvez faire toutes les saloperies du monde, pas d'inquiétude. 3 patères et 1 AV et votre place est réservée. Mao et tous ses révolutionnaires disaient que la religion est une plaie. Ils avaient tout faux là-dessus. C'est l'humain la plaie, la gangrène. Celle qui s'installe, qui contamine et qui pourrit son hôte. Ça résume le tout, je suis humain. C'est comme ça, un paria parmi les parias. Alors comme j'ai pas les thunes pour me procurer les ogives nucléaires nécessaires à l'extermination de toute trace de vie humaine sur cette terre, je vais me la jouer plus simple et commencer par moi. Et si tout le monde pouvait se donner la peine de suivre mon exemple, je pense qu'on pourrait avancer assez vite. Une chose est sûre, on ne me regrettera pas, je me suis fâché avec tous les autres, et comme disait machin, l'enfer c'est les autres.